La longue route. Une corneille réveilla Hans à l'aube. Elle était perchée dans un peuplier solitaire, surplombant un monticule de terre, foisonnant aux abords d'une carrière de sable. L'oiseau noir scrutait l'horizon, ses plumes d'ébène contrastant avec les collines brunes, le ciel lourd et gris. Une fine pluie recouvrait la région, les gouttelettes s'écrasant sur la couverture thermale dans laquelle Hans s'était enroulé. Délicatement, le soleil se retire de sa conscience, l'éveil ponctué par le chant rauque de la corneille, un appel à la fois dissonant et mélodieux. Petit déjeuner copieux au pied d'un sapin, quelques poignées de noix et de fruits séchés, deux pilules d'ibuprofène, une galette de sarrasin. Pas de raison de se retenir. Il lui faudrait des forces pour faire le reste du chemin, mais également une fois sa destination atteinte. Le moment de vérité, la fin de ses machinations, et le précipice l'attendait là, un abysse entr'ouvert sur un nouveau monde, indicible et chaotique. Le retour importait peu. Le néant devant lui, Hans ne faisait plus de cauchemars. C'est habité d'une certaine sérénité qu'il leva le campement de fortune, s'aspergea le visage dans un ruisseau. Le détecteur Geiger ne relevait que des traces de radiation. L'eau filait entre les pierres. Elle était glaciale, vivifiante. Hans frotta ses paupières enflées, but à grandes gorgées. La vérité était là, l'avait toujours été. Après tout ce temps. Hans reprit le chemin, le cœur léger, sa silhouette telle une créature fade dans un horizon grisâtre et désolé. Capuchon rabattu sur la tête, veste pare-balles rongée par les mites, laca en bandoulière sur son paletot craquelé, Makarov et machette à la ceinture. Les pieds meurtris dans ses bottes, tenant avec du duct tape, il persévérait dans les mares et les tourbières d'un pas décidé, étouffant ça et là un geignement de douleur. Sa main bandée et tachée de sang maintenait la boussole vers le nord, toujours vers le nord. Les muscles endoloris, l'épaule estropiée, les éraflures et contusions forçaient un flot d'adrénaline salvatrice dans ses veines. Une étrange lucidité l'envahissait. Une nouvelle clarté, l'intensité de chaque instant. Il n'y avait plus d'abstraction, seulement ces landes abandonnées, leur inertie empoisonnée, leur propre désolation sans gêne, exposée à l'œil, qui savait les regarder, attendant patiemment la chance de pouvoir fleurir à nouveau. Jusqu'à maintenant, l'horizon grisâtre était vide d'hélicoptères ou de drones de la Hope Sec. Encore une journée, et cela aussi n'aurait plus d'importance. La camionnette à l'huile de patate était abandonnée le long de la route 167, des lieues derrière. Quelque part là-bas, passé la rivière Broadback, un centre de données souterrain, un périmètre de sécurité, une bouche d'aération camouflée dans la végétation. La fin de la longue route. Pendant ce temps, les souvenirs revenaient en rafale, la mémoire lointaine des tempêtes de neige de décembre, les excursions en raquette avec sa petite sœur, le goût des glaçons dans sa bouche, le spectre fantomatique d'une aurore boréale, les berges sablonneuses de la Matagami, les vagues impétueuses, les jeux sans fin, et les nuits de juin, la voûte céleste étoilée, les perséides doux. Puis, du jour au lendemain, la coupure, le choc, cette autre réalité, la brutalité de la métropole avec sa sœur et les autres réfugiés, les murs, autant de corridors où toutes les chances sont contre soi, le début des attaques de panique, la solitude de masse, la tristesse, l'esclavage, les larmes chaudes remplacées par la froide indifférence. Une vie à essayer de trouver une issue. Une vie à échouer. Une tentative de suicide, puis une autre. La torture en spirale jusqu'à cette notion, cette croisée des chemins, ces deux voies possibles. Être soi-même ou mourir. Être soi-même et se révolter. Dans une vie sans liberté, un choix, peut-être. Et Hans inspecta son AK machinalement, éjecta le chargeur et soupira, regrettant de ne pas avoir plus de balles.